« Que voulez-vous dire, madame ?» demanda vivement Paul Cormier. « Que vous a donc fait Mirande avant de... »« À moi, rien, » murmura la marquise, « mais il a fait le malheur de... d'une personne à laquelle je m'intéresse. Et vous venez de m'apprendre qu'il a tué mon mari. » « Qu'il ne connaissait pas, même de nom. Je l'ai interrogé après le duel, et il m'a affirmé qu'il n'avait jamais entendu parler de M. de Ganges. » Cette assurance ne parut pas déplaire à la marquise, et Paul reprit vivement. « Vous le voyez, madame, c'est la fatalité qui a tout fait. Et dans ce malheur, vous pouvez du moins vous dire que vous ne serez pas compromise, car personne ne sait que l'homme qui a succombé dans ce duel était votre mari. On le saura, on trouvera sur lui des papiers, des cartes de visite, que sais-je. » « Rien, madame. Monsieur de Ganges, avant le duel, m'a remis son portefeuille. Le voici, » dit Paul en le tirant de sa poche, pour le présenter à la marquise. « Il porte une couronne et des armes gravées sur le cuir. Les reconnaissez-vous ?»« Oui, ce sont les siennes, » balbutia madame de Ganges. « Ai-je besoin de vous jurer que je ne l'ai pas ouvert ?»« Non, je vous crois. Mais que va-t-il arriver, mon Dieu ?»« La justice poursuit les duellistes quand le duel a causé la mort de l'un de ses combattants. » Vous serez interrogé, vous et votre ami. Que direz-vous? La vérité, n'est-ce pas? On vous demandera pourquoi vous aviez pris ce nom qui ne vous appartenait pas. Et vous ne pourrez pas cacher ce qui s'est passé hier chez mon amie, Madame Dezulé. Ah, je suis perdu. Si on m'interroge, je ne parlerai pas de vous, Mirande non plus. Par une excellente raison, c'est qu'il ignore que vous existez. Les trois autres témoins sont trois étudiants qui n'étaient pas présents au moment où M. de Ganges m'a grossièrement reproché de lui avoir volé son nom. Ils savent que ces messieurs se sont battus à propos d'un soufflet. Ils ne savent pas pourquoi ce soufflet a été donné. Ce n'est pas moi qui le leur apprendrai. Et d'ailleurs, il n'est pas certain qu'on nous interrogera. Personne ne nous a vus sur le terrain. » Paul oubliait, peut-être volontairement, la lettre du maître chanteur, qui menaçait de le dénoncer. Il ne pensait qu'à rassurer la marquise, et à tirer parti, pour entrer dans son intimité, de la bizarre situation que le plus étrange des hasards venait de leur créer. Il sentait très bien que le moment eût été mal choisi pour lui parler encore de son amour, comme il n'avait pas craint de le faire avant de lui annoncer qu'elle était veuve. Mais il constatait déjà que si la nouvelle de la mort tragique de M. de Ganges avait bouleversé la marquise, elle ne l'avait pas affligée outre mesure, car elle n'avait pas versé de larmes. Et il lui savait gré de ne pas feindre une douleur, qui ne pouvait guère lui causer la lamentable fin d'un homme qui s'était presque vanté, avant de mourir, d'avoir été le plus détestable des maris. Il espérait qu'une fois remise de l'émotion bien naturelle qu'elle venait d'éprouver, cette victime d'une union mal assortie comprendrait qu'elle aurait tort de faire un éclat, et il se préparait à lui proposer, en temps et lieu, le modus vivendi que lui avait suggéré sa cervelle d'amoureux. Il attendait toujours qu'elle prît ce portefeuille, qui, à vrai dire, lui brûlait les doigts. On a beau ne pas être sentimental à l'excès, on ne garde pas volontiers sur soi les reliques d'un homme qu'on a vu tomber, frappé à mort, dans un duel dont on a été la cause première. Et, de son côté, la marquise répugnait évidemment à toucher ce legs de son indigne mari. Paul Cormier se décida enfin à le placer sur le banc où elle était assise, quand il avait paru dans le jardin. Il pensait bien qu'elle ne l'y laisserait pas, et il tenait à s'en débarrasser le plus tôt possible. « Vous ne m'accuserez plus de mentir, » dit-il doucement. « Et maintenant que j'ai rempli la pénible mission qui m'a été imposée, je vous supplie, madame, de me faire connaître votre volonté. À tout ce que vous me commanderez, j'obéirai, quoi qu'il m'en puisse coûter. Dans la situation où les événements nous ont placés, c'est à vous de donner des ordres. Et je vous demande en grâce de ne penser qu'à vous en prenant une décision. Peu importe ce qu'il m'arrivera, pourvu que vous n'ayez pas à souffrir des conséquences de ce duel. » « Souffrir, » répéta tristement la marquise, « voilà des années que je souffre. Il ne peut rien m'arriver de pis que de vivre, comme j'ai vécu depuis que je me suis mariée, si vous saviez. »« Je sais. Croyez-vous donc que je ne le devine pas qu'on vous a sacrifié à un homme que vous n'aimiez pas et qui a fait de vous une martyre ? S'il ne me l'a pas dit, il m'en a dit assez pour que je ne le plaigne pas. C'est Dieu qui l'a puni, et c'est vous que je plains, vous pour qui je mourrais avec joie. Si ma mort pouvait vous épargner un chagrin, vous que... » La marquise arrêta d'un geste la déclaration brûlante que Paul avait sur les lèvres. « Pas un mot de plus, » lui dit-elle d'une voix ferme. « Je vous crois, mais je ne dois pas vous écouter. Je subirai mon sort sans murmurer, et je compte que vous n'aurez pas moins de courage que moi. Est-ce à dire que vous persistez à me défendre de vous revoir ? » Et comme Madame de Ganges se taisait, C'est impossible, s'écria Paul. Comment feriez-vous? Que diriez-vous à vos amis? À vos amis, à ce monde où vous vivez et où j'ai été présenté sous le nom de votre mari. Espérez-vous leur persuader que je suis retourné à l'étranger? Ils s'apercevraient bien vite que je n'ai pas quitté Paris. Je me suis déjà trouvé face à face avec M. de Servon dans un lieu où je ne devais pas m'attendre à le rencontrer. C'est moi qui partirai. Je m'éloignerai de la France. Je vous l'ai déjà dit. Mais j'y resterai, moi. Que dirai-je à ceux qui me parleront de vous? Faudra-t-il que j'échafaude des mensonges pour tâcher de leur expliquer ce chassé-croisé du marquis et de la marquise de Ganges? Ils ne me croiraient pas. Ils sauraient bientôt la vérité. On dirait partout que j'ai été votre amant, et que nous avons à nous deux inventé cette supercherie. Ils ne vous pardonneraient pas de vous être moqué d'eux. Pourquoi ne leur diriez-vous pas tout simplement la vérité? Que vous m'avez suivi, que vous êtes entré chez Madame d'Ozulé en même temps que moi, qui ne vous avait pas vu, et que l'erreur d'un valet de pied a fait tout le mal. Ils me croiraient encore moins. Mais rien ne vous oblige à les voir. Vous n'avez qu'à reprendre la vie que vous avez toujours menée. Pour eux, le quartier que vous habitez est aussi loin que la Chine. Vous y avez rencontré M. de Servon par un de ces hasards qui n'arrivent pas deux fois. J'avais bien compris. Vous ne voulez plus me connaître. Je vous gêne, murmura Paul Cormier. Je n'ai pas dit cela, répliqua vivement la marquise. Vrai, vous ne me chassez pas? Merci, oh merci. Alors il n'y a qu'un moyen, un seul, c'est de rester comme nous sommes. Je ne comprends pas. Pourquoi ne continuerai-je pas à passer pour votre mari? Demanda Paul, emporté par son ardeur amoureuse, au point de ne pas s'apercevoir de l'énormité de la proposition qu'il osait faire à la marquise. D'abord parce que c'est impossible. À la rigueur, mes amis pourraient s'y laisser prendre, mais les vôtres, mais votre mère, car vous avez encore votre mère, vous me l'avez dit. Comment leur persuaderez-vous que vous n'êtes plus vous-même? Cesserez-vous de les voir? Non, mais je les verrai moins souvent. Je ne dîne chez ma mère qu'une fois par semaine, le dimanche. Elle ne vient presque jamais chez moi, et elle ne me demande pas de lui rendre compte de ce que je fais. Encore votre mère, reprit la marquise, serait-elle bien étonnée et probablement très affligée si elle venait à apprendre que son fils va dans le monde sous un faux nom et porte un titre qu'il ne lui appartient pas. J'admets qu'elle n'en saura rien, mais, monsieur de Mirande, votre ami intime, comment pourrait-il ignorer que vous vivez en partie double, étudiant sur la rive gauche et marquis sur la rive droite? Paris est si grand, murmura Paul, à bout d'arguments. Oui, Paris est immense, mais tout y arrive. Vous en avez eu la preuve hier, puisque vous avez trouvé sur votre chemin monsieur de Servon. Et si vos camarades venaient à découvrir que vous vous faites passer pour le marquis de Ganges, de quoi ne vous accuserait-il pas? Convenez donc, monsieur, que votre projet est fou, si tant est que vous l'ayez conçu sérieusement. Paul baissa la tête et ne trouva rien à répondre. Ce n'est pas tout, reprit Madame de Ganges. Alors même qu'il serait praticable, je ne me prêterai pas à une imposture. Je ne trouve pas d'autre mot pour qualifier le plan de conduite que vous me proposez d'adopter. Vous préférez me désespérer? Non, monsieur. Seulement, je veux rester maîtresse de mes actions. Je ne sais ce que vous pensez de moi, mais je vous prie de croire que j'ai toujours été irréprochable. Mon mari lui-même, mon mari qui m'a fait tant de peine, me rendrait cette justice s'il vivait encore. Il me l'a dit avant de mourir. Vous devez donc comprendre que je ne puis ni ne dois rester avec vous dans les termes où nous a mis la méprise d'un domestique. Je suis décidé à dire la vérité à mon amie Madame d'Ozulé. Elle a assisté à la scène, et je lui expliquerai qu'un manque de présence d'esprit m'a empêché de rectifier immédiatement l'erreur. Elle rira de l'aventure, et elle se chargera de la présenter sous son véritable jour à ses invités d'hier. Dieu sait ce qu'ils penseront de moi, murmura l'étudiant. Qu'importe, tout ce que vous ferez sera bien fait, madame. Je serais désolé que vous eussiez à souffrir de ma franchise, mais je ne puis agir autrement. Je ferai d'ailleurs en sorte de prendre sur moi la responsabilité de ce désastreux malentendu. Personne n'aura rien à vous reprocher. Il aura du reste duré si peu de temps qu'il ne saurait avoir de bien graves conséquences. S'il en a, je les supporterai, quelles qu'elles soient, pourvu que vous ne me défendiez pas de vous revoir. Plus tard, peut-être, mais vous sentez comme moi que pendant un temps, nos relations doivent cesser. Si j'étais sûr qu'elles ne seront qu'interrompues, je ne puis rien vous promettre. La catastrophe que vous venez de m'annoncer va bouleverser ma vie. Et je ne sais pas encore quelle partie je prendrai. Je n'ai même pas la certitude que je suis veuve. Si vous ne l'étiez pas, je ne vous aurais pas parlé comme je viens de le faire. Mais M. de Ganges est tombé sous mes yeux et je vous ai apporté la preuve qu'il est mort, dit Paul Cormier, en montrant du doigt le portefeuille, auquel la marquise n'avait pas encore osé toucher. Il était resté sur le banc, ce portefeuille armorié, et elle ne pouvait pas douter qu'il eût appartenu à son mari. « Ouvrez-le, madame, reprit Paul. Vous y trouverez certainement des papiers qui ne vous laisseront pas de doute. » La marquise ne semblait pas pressée de suivre le conseil que lui donnait l'amoureux, qui aspirait à remplacer son mari. Peut-être s'y serait-elle décidée, mais son garde du corps se montra tout à coup. Au lieu de prendre l'objet, elle se plaça de façon à l'empêcher de le voir, et elle l'interrogea des yeux. L'homme noir comprit la signification du regard qu'elle lui lança, car il répondit, comme si elle lui eût adressé la parole. « C'est le valet de chambre de Monsieur de Servon qui apporte une lettre pour Monsieur de Ganges. J'ai eu beau lui dire que Monsieur de Ganges n'est pas encore arrivé. Il prétend que son maître l'a vu hier. » La marquise changea de visage, et Paul Cormier comprit. Le vicomte envoyait les 8 000 francs qu'il avait perdus sur parole à Monsieur de Ganges, qui les lui avait gagnés. « Il paraît que la lettre contient de l'argent, reprit le chevalier noir, et que c'est très pressé. » La situation se corsait encore. Le domestique de Monsieur de Servon attendait une réponse, et ce n'était pas à Paul Cormier de la lui donner. La marquise ne pouvait pas faire moins que de s'en charger. « Dites-lui que Monsieur de Ganges n'est pas là, et que je ne reçois pas les lettres adressées à mon mari, répondit-elle après un silence. « Bon, je vais le congédier, dit l'impassible personnage. » Et il tourna les talons en pivotant tout d'une pièce militairement, comme un soldat qui vient de faire son rapport à son supérieur. Paul le laissa s'éloigner avant de dire à demi-voix. « C'est à moi que cette lettre était adressée. »« À vous ?» s'écria la marquise. « Oui, madame. Depuis la partie de baccarat chez madame d'Ozulé, Monsieur de Servon est mon débiteur. » « Et c'est chez moi qu'il envoie la somme qu'il vous doit ?»« Naturellement, puisqu'il croit la devoir à Monsieur de Ganges. » La marquise tressaillit. C'était le premier effet de l'erreur du valet de pied de madame d'Ozulé, et elle pouvait maintenant mesurer ce que cette fatale méprise allait lui coûter. « Il reviendra à l'apporter lui-même cette somme, » continua avec intention Paul Cormier, qui ne désespérait pas encore d'amener la marquise à accepter son projet de rester dans le statu quo. « Et vous en verrez bien d'autres. » « C'est la conséquence forcée de ce qui s'est passé chez votre ami. »« Vous avez raison, monsieur, » dit-elle. « La situation où nous nous trouvons tous les deux est intolérable. Je n'ai que deux parties à prendre, ou dire la vérité, ou quitter Paris et n'y jamais revenir. J'ai besoin de réfléchir avant de me décider, et je désire être seul. » C'était un congé en bonne forme, et la marquise le signifia d'un ton si ferme que son amoureux comprit qu'il n'avait qu'à se retirer. « Je vous obéis, madame, » dit-il tristement. Il se flattait que, pour adoucir cette injonction, elle allait lui tendre la main. Mais elle ne la lui offrit pas plus que la veille, au moment où il l'avait quittée, tout près du rond-point des Champs-Élysées. Elle la retira même, comme si elle eût craint qu'il ne la prît, sans sa permission. Décidément, cette marquise n'aimait pas les contacts, même du bout des doigts. Après ce refus presque décourageant, Paul Cormier n'avait plus qu'à s'en aller, sans ajouter un mot à ce qu'il avait dit. Ainsi fit-il, très mortifié et très mécontent du résultat de sa première visite à la marquise de Ganges. En traversant la cour qui précédait le jardin, il y retrouva l'homme habillé de noir, cet étrange personnage qui se tenait à l'écart, pour apparaître de temps en temps comme la statue du commandeur. Paul savait maintenant que ce garde du corps n'était pas un simple domestique, mais il n'eut pas la moindre envie de le saluer en passant, et il crut voir que ce chevalier de la dame, de l'avenue Montaigne, le regardait d'un air soupçonneux. Il se demandait sans doute ce que ce jeune homme était venu faire chez madame de Ganges, et c'était bien la preuve qu'elle n'avait pas jugé à propos de lui parler de ses aventures à la sortie du Luxembourg et chez la baronne de Zulé. Peu importait du reste à Paul Cormier, mais il ne fut pas plutôt hors de l'hôtel qu'il lui arriva comme la veille, en descendant de voiture aux Champs-Élysées, d'envisager la situation sous un tout autre aspect. La veille, après le voyage en fiacre, il s'était repenti de s'être laissé trop facilement éconduire, et maintenant il apercevait dans le langage et dans l'attitude de la marquise des côtés qui le choquaient. « Elle n'a pas sourcillé quand je lui ai annoncé que son mari avait été tué cette nuit, » se disait-il, en s'acheminant vers le véhicule numéroté qui l'attendait à 20 pas de la porte de l'hôtel. « Je sais bien que ce mari était un chenapan, et que sa mort la débarrasse de lui. J'ai trouvé tout naturel qu'elle ne joua pas la comédie en faisant semblant de se désoler. » Mais à défaut de larmes, elle aurait pu montrer de l'émotion, ne fût-ce que par convenance, et c'est tout au plus si elle a été troublée un instant. Elle s'est mise tout de suite à examiner avec moi les conséquences de cette mort, en ce qui la touche personnellement, car elle ne s'est pas beaucoup inquiétée de savoir comment j'allais me tirer de ce mauvais pas. Et pourtant, si on poursuit les acteurs du duel, c'est Mirande et moi qui paierons les pots cassés. cette marquise ne s'est pas seulement informée de ce qu'était devenu le corps du malheureux que nous avons laissé étendu sur l'herbe d'un bastion du boulevard Jourdan. Je commence à croire qu'elle n'a pas de cœur. » Il était temps du reste que Paul pensât à ses propres affaires, qui pouvaient très mal tourner. Surtout depuis qu'il avait reçu la lettre anonyme où un gredin le menaçait de le dénoncer à la justice. Il y allait de son repos, presque de son honneur, car un duel nocturne, suivi de l'abandon du cadavre, devait forcément donner lieu à une instruction criminelle. Et quoiqu'il ne fût pas le plus compromis, il risquait certainement de passer en cour d'assises, ou en police correctionnelle, ce qui eût été bien pis, car les jurés acquittent presque toujours les duellistes que les magistrats condamnent très volontiers. Et ne sachant pas du tout comment il fallait s'y prendre pour parer à ce danger, ou tout au moins pour l'atténuer, il ne pouvait mieux faire que d'aller prendre l'avis de son ami Bardin. Il dit donc au cocher qu'il l'avait amené avenue Montaigne de le conduire au boulevard Beaumarchais, au coin de la rue Saint-Claude, où s'embranche la rue des Arquebusiers. Il aurait bien pu profiter de l'occasion pour aller voir sa mère, puisque la rue des Tournelles est à deux pas. Mais il craignait qu'elle ne remarquât l'état d'agitation où l'avaient mis les événements qui venaient de se succéder, événements dont l'entretien avec Madame de Ganges n'était pas le moins troublant. Il était donc décidé à ne voir ce jour-là que le vieil avocat, et pendant le trajet, il prépara la consultation qu'il allait chercher au Marais. Il ne se souciait pas de dire du premier coup toute la vérité à Bardin. Il voulait d'abord tâter le terrain, en lui demandant ce qu'il penserait d'un cas analogue au sien, s'il conseillerait à un homme compromis, en pareille occasion, de se tenir quoi, ou d'aller au contraire au-devant de l'action judiciaire, en déclarant spontanément qu'il avait pris part à la rencontre et quelle part il y avait prise. Il ne pouvait guère en dire davantage, car il n'était pas en cette affaire le principal intéressé. Mirande était plus exposé que lui, puisqu'il avait tué de sa main le marquis de Ganges. Paul n'avait donc pas le droit de prendre un parti sans l'approbation préalable de son ami, lequel, alors qu'il était, devait dormir encore. Paul projetait de se transporter chez lui, après avoir recueilli l'opinion du père Bardin, et de décider d'un commun accord avec Jean ce qu'il convenait de faire, dans le cas épineux où il s'était mis. Les trois autres étudiants ne comptaient pas, des gamins qui avaient assisté à la rencontre, par hasard, et auxquels on ne pouvait reprocher que d'avoir agi comme des étourneaux. Le projet était sage, mais entre la conception et l'exécution, il y a toujours place pour des incidents imprévus. En descendant de voiture rue Saint-Claude, Paul se trouva nez à nez avec l'avocat qui trottinait, à pas pressé, et qui lui dit « Comment, c'est encore toi ? Dans mon quartier, à l'heure de ton cours de droit administratif ? Et puis, tu ne vas donc plus qu'en carrosse maintenant ?»« J'allais chez vous, pour vous parler d'une affaire, » balbutia Paul, assez contrarié. « Tu m'en parleras une autre fois. Aujourd'hui, je n'ai pas de temps à perdre, et je ne vais pas remonter mes trois étages pour t'entendre. » « C'est que je ne puis pas remettre à un autre jour. Je n'imagine pas ce que tu peux avoir à me dire de si urgent. Mais puisque tu tiens tant à causer avec moi, tu n'as qu'à m'accompagner. Nous causerons en marchant. Qu'à cela ne tienne, mon cher monsieur Bardin, je ne vous demande qu'une minute pour envoyer mon fiacre. » Paul paya au cocher le double de ce qu'il lui devait pour se dispenser d'attendre qu'il lui rendît la monnaie, et revint dire au vieil ami de sa mère. « Maintenant me voilà prêt à vous suivre, où il vous plaira de me mener pourvu que vous m'écoutiez. « Où allez-vous ? Au palais de justice. Bon, ce n'est pas tout près d'ici. J'aurai le temps de vous conter ce qui m'amène. N'importe, sois bref, et surtout sois clair. Mais avant de commencer, laisse-moi t'apprendre une nouvelle qui te fera plaisir. Tout ce que vous voudrez, monsieur Bardin. Il s'agit de mon fils. Je t'ai dit souvent qu'il ne lui fallait qu'un beau crime à instruire pour se faire connaître, pour sortir du rang. Un de ces crimes dont tous les journaux s'occupent et qui mettent en lumière les talents d'un juge. Parfaitement. Et j'ai toujours pensé que cette chance lui viendrait tôt ou tard. Elle s'est fait attendre, et l'avancement de ce pauvre Charles s'en est ressenti. Si on ne regardait qu'au mérite, il devrait être déjà conseillé à la cour, mais enfin, il tient son crime. Bravo, dit Paul, qui souriait sous sa moustache de l'enthousiasme paternel du vieil avocat. Alors il est corsé, ce crime ? Combien de cadavres ? Un seul, répondit Bardin, sans s'apercevoir que l'étudiant se moquait un peu de lui. Mais la victime appartient aux classes élevées de la société. Il le vol n'y est pour rien, car on a trouvé de l'argent dans les poches du mort. Une vengeance, alors ? Probablement. Et apprends pour ta gouverne que ces crimes-là passionnent toujours le public parisien. D'abord parce qu'ils sont plus rares, et puis parce qu'on cherche la femme. Ah, il y a une femme dans l'affaire ? Je le parierais, mais je n'en sais rien encore. Charles vient de m'écrire un mot pour m'annoncer qu'on venait de le charger d'instruire et qu'il courait au palais. Il ne me donne pas de détails, mais j'en aurai. J'ai pensé tout de suite à aller le trouver dans son cabinet pour lui faire mon compliment, et j'y vais de ce pas. Il est donc tout récent, ce crime? Les journaux n'en disent rien. Il est de cette nuit. Ah, murmura Paul, à qui cette indication mettait déjà, comme on dit, la puce à l'oreille. Oui, le corps de l'homme assassiné a été trouvé vers 5 heures du matin par des maraîchers qui conduisaient leur charrette aux Halles. Dans quel quartier? Demanda vivement Cormier. Charles ne me le dit pas. Je suppose que c'est près d'une des barrières de Paris, sur le chemin des voitures qui viennent de la banlieue. Quelle banlieue? Je l'ignore. Ça m'est égal. À toi aussi, je suppose. Oh, complètement égal, s'empressa de répondre Cormier, qui ne disait pas ce qu'il pensait, car cet exposé incomplet commençait à l'inquiéter sérieusement. L'important, c'est que l'affaire profite à l'avancement de Charles, et je suis sûr qu'il l'éclaircira, quoiqu'elle soit, paraît-il, très mystérieuse. Mais en voilà assez, là-dessus. Expose-moi la tienne. De quoi s'agit-il? Paul n'était pas pressé de s'expliquer. Avant ce dialogue, où le vieil avocat avait eu la parole presque tout le temps, il ne se serait pas fait prier. Il aurait abordé tout droit la question, et il n'aurait pas été embarrassé pour la présenter, de façon à ne pas éveiller l'attention de cet excellent bardin. Maintenant, il ne savait plus comment s'y prendre, car il entrevoyait que le beau crime, sur lequel le bonhomme fondait l'espoir de la fortune judiciaire de son fils, pouvait bien être que le meurtre du marquis. Consulter le père du juge d'instruction, c'était pour ainsi dire se jeter dans la gueule du loup. Il fallait pourtant parler, sans quoi Bardin se serait figuré que Paul avait voulu le mystifier, et il aurait mal pris la chose. L'ami de Jean de Mirande espéra s'en tirer en se tenant dans les généralités d'une consultation vague. « Voilà, dit-il en cherchant à prendre un ton dégagé, un de mes camarades s'est trouvé fourré dans une bagarre où on s'est fortement cogné. On a échangé des orions. « Ils vont bien, tes camarades, ça se passait naturellement au quartier latin ?»« Mon Dieu, oui, les batailles n'y sont pas rares. » Mais celle-là a mal fini. Il y a eu des éclopés. Il paraît même qu'un des combattants est resté sur le carreau. C'est joli. Et sans doute c'est un de tes amis qui a fait ce coup. Il le craint. Comment il le craint? Il a donc assommé un homme, sans s'en apercevoir. Dame, vous comprenez, dans une mêlée. Tu me la bailles belle avec ta mêlée. Enfin, qu'est-ce que tu veux de moi? Ce n'est pas pour me raconter cette équipée que tu t'es fait conduire dardard rue des Arquebusiers. Mais si, je voulais vous demander un conseil. Tu en étais donc de la rixe? J'y ai assisté, comme beaucoup d'autres. Et après, quand il y a eu un mort et des blessés, tout le monde s'est sauvé. Tous ceux qui ont pu, s'entend. C'est à peu près cela. On n'a arrêté personne. Et je venais vous consulter, cher monsieur. Sur quoi? Ce cas ne me paraît pas rentrer dans ma spécialité. Mais si, puisqu'il s'agit de faits qui pourraient donc donner lieu à des poursuites. Au lieu d'employer le conditionnel, tu devrais dire « qui donneront lieu ». Il y a eu mort d'homme. L'affaire ne peut pas en rester là. Mon fils, depuis qu'il est juge, en a instruit 20 de la même catégorie. Elles ne sont pas très graves, mais elles aboutissent toujours à des mois ou à des années de prison. Ton doux ami peut s'attendre à en goûter s'il l'est pris. Il ne l'est pas jusqu'à présent, et c'est précisément sur ce point que je voudrais avoir votre avis. Doit-il se présenter chez le commissaire du quartier et lui raconter, pour sa justification, comment cette querelle s'est engagée, ou bien laisser la police chercher les coupables? C'est sérieusement que tu me poses cette question? Mais oui, c'est un cas de conscience que je vous soumets. Va te promener avec ton cas de conscience et médite sur le fameux mot du président de Harley. Si on m'accusait d'avoir volé les cloches de Notre-Dame, je commencerais par me mettre à l'abri. Vous ne conseillez pas à mon ami de se sauver à l'étranger, je suppose? Non, mais je lui conseille de se tenir tranquille. On n'est pas forcé de se dénoncer soi-même, et les juges ne doivent pas s'en rapporter à la déclaration de celui qui se dénonce. C'est un axiome du droit criminel que tu devrais connaître. Nemo creditur. Je sais le reste. Alors, vous êtes d'avis que mon ami aurait tort de se livrer? Il faudrait qu'il fût fou. Et tu peux lui signifier, de ma part, qu'il fera très bien de faire le mort. D'autant que s'il se déclarait, tu serais compromis, très probablement. C'est ta maman qui ne serait pas contente. Au fond, Paul était bien de l'avis du vieil avocat, et il n'était pas fâché de l'entendre lui conseiller de s'abstenir. Il crut pourtant devoir insister en disant « Alors décidément, vous, juriconsulte émérite, vous pensez qu'il vaut mieux laisser aller les choses ?»« Ce n'est pas le juriconsulte qui te parle, c'est l'ami de ta mère. Et tout homme de bon sens te parlera comme moi. Si tu en doutes, il y a un moyen de t'assurer que je suis dans le vrai. »« Lequel ?»« Consulte un magistrat. »« Pensez-vous ? » ?»« Un magistrat qui te connaît et qui te croit incapable d'une vilaine action. Je vais au palais voir mon Charles. Profite de l'occasion. Monte avec moi jusqu'à son cabinet. » Comment, s'écria Paul, vous me proposez d'aller consulter votre fils sur une affaire qu'il pourrait avoir à instruire? Jamais de la vie. Il croirait que je me moque de lui, et il me mettrait à la porte. Non, puisque je serai avec toi, dit Bardin. Charles sera au contraire très sensible à une marque de déférence de ta part, d'autant plus que tu n'as pas toujours été bien pour lui. Tu évites de le rencontrer, et quand tu te trouves avec lui, tu affectes de ne lui parler que par ricochet. De bricole, comme on dit au billard. C'est par respect, vous comprenez, il est magistrat, juge au tribunal de la Seine, et je ne suis qu'un pauvre diable d'étudiant. Pas si pauvre, puisque ta mère te laissera 600 000 francs, tandis que moi je ne laisserai pas grand-chose à Charles. Mais la question n'est pas là. Tu me donnes de mauvaises raisons, et tu ferais mieux de me dire la vérité. Charles ne te va pas parce qu'il est trop sérieux et trop sage pour plaire à un garnement de ton espèce. Tu te figures sans doute que l'antipathie est réciproque. Tu te trompes absolument. Il ne m'a jamais dit que du bien de toi, et je sais qu'il apprécie fort ton esprit et ta gaieté. Je ne l'aurais pas cru, mais je suis ravi de l'apprendre. Si je ne le recherche pas beaucoup, c'est à cause de la différence d'âge et de situation. Et pour l'affaire en question, je craindrais, en la lui soumettant, de le mettre dans un terrible embarras. Pensez donc. Demander à un juge si je ferais bien de me soustraire à l'action de la justice, ce serait raide. Tu ne t'adresseras pas au juge, tu t'adresseras à l'homme. Il te donnera son avis, tout comme s'il n'avait jamais porté la robe, et je ne doute pas que cet avis soit conforme au mien. Je t'autorise du reste à lui répéter ce que je viens de te dire sur ton cas, et je lui répéterai moi-même. Allons, viens, ça me fera plaisir de te voir échanger une poignée de main avec Charles, et je suppose que tu tiens à être agréable au plus ancien ami de ta mère. » Paul protesta d'un geste, et le vieil avocat reprit malicieusement. « D'abord, tu as intérêt à me ménager, à cause de l'héritière. » Quelle héritière? La fille aux 6 millions? As-tu déjà oublié l'histoire que j'ai racontée hier en dînant? Non, mais je n'y pensais plus.